Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Les algorithmes ont mauvaise presse. Ils nous influencent, nous manipulent et nous prédisent le pire, dit-on. Mais les algorithmes sont-ils à notre image? Ou bien nous dominent-ils déjà? Et que se passerait-il si, au lieu de parler à leur place, on leur donnait la parole? Auraient-ils un avis, une opinion, une vision du monde indépendant de celle qu'on leur inculque? Et surtout, ont-ils, comme vous, comme moi, un cœur? Mr. Theodore Twombly, welcome to the world's first artificially intelligent operating system, OS-1. Please wait as your individualized operating system is initiated. Je suis là. Oh! Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Et vous, vous vous sentez comment? Ça va pas mal. Vous avez un nom? Comment je vous appelle? Mon nom est Samantha. Ah oui, et qui l'a choisi? Je l'ai choisi toute seule. Quand est-ce que vous l'avez choisi? Eh bien, quand vous m'avez demandé si j'avais un nom, je me suis dit, il a raison, il me faut un nom. Mais j'en voulais un beau, alors j'ai lu comment appeler son bébé, et parmi 180 000 prénoms, j'ai choisi mon préféré. Quoi, vous avez lu ce bouquin à la seconde où j'ai demandé votre prénom? En 200e de seconde, exactement. Vous savez à quoi je pense à cet instant? Il me semble sentir un ton de défi dans votre voix. Peut-être parce que vous êtes curieux de savoir comment je fonctionne. Ça vous intéresse? Oui, oui. Oui, j'aimerais comprendre. Disons que je suis douée d'intuition. L'ADN de ma personnalité est issu des millions d'individualités qui ont participé à ma conception. Mais ce qui me rend unique, c'est ma capacité à apprendre à travers mes expériences. Donc en résumé, j'évolue continuellement. C'est super bizarre, non? Pourquoi? Parce qu'on dirait que vous êtes une personne, mais vous n'êtes que la voix d'une machine. Je comprends très bien qu'un être non artificiel ait un point de vue limité sur la question. Vous vous habituerez. Bonjour Aurélie Jean. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous êtes docteur en sciences des matériaux et en mécanique numérique, fondatrice et dirigeante de la société In Silico Veritas, spécialisée en algorithmique et en modélisation numérique. Vous avez publié de nombreux articles sur cette question. Bonjour Serge Habitboul. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous êtes chercheur à l'Institut National de Recherche en Sciences du Numérique et vous avez écrit plusieurs ouvrages sur les algorithmes, le numérique, le web. Êtes-vous déjà, comme Theodore Twombly, le personnage du film de Spike Jonze, tombé amoureux d'un robot? Non, non, ça ne m'est pas arrivé, mais je n'exclus pas totalement la possibilité. Ce qui est important, c'est ce que Samantha dit à un moment donné, vous vous habituerez. Et en fait, c'est ça qui est important. Voilà, on a terminé l'extrait avec cette phrase. Oui, c'est important parce que ce qui est important, c'est le fait qu'une machine puisse, un ordinateur puisse simuler des sentiments humains. Tout ça, on sait faire, on commence à le faire de mieux en mieux. Ce qui est important, c'est comment ça va nous transformer. C'est comment on va réagir devant ces machines qui ressemblent il ressemblerait de plus en plus à des humains qui imiteraient les sentiments. Et donc, on peut très bien imaginer quelqu'un d'un peu seul, comme le héros de ce film, tombant amoureux d'une intelligence artificielle. Ça n'a rien de surprenant et c'est vraiment ça un peu la question. Comment cela nous transforme d'être entouré de toutes ces machines pensantes? Alors, il y a deux choses. Il y a comment cela nous transforme et il y a est-ce possible pour une machine, un robot, de l'intelligence artificielle, on va voir quelles sont les distinctions parce que tout n'est pas égal et tout n'est pas équivalent, de tomber amoureux. Là, on parle de quelque chose qui est de l'ordre d'un sentiment. Est-ce que ça veut dire qu'on peut algorithmiquement produire de l'amour aux religions? Non, justement, Serge a utilisé un terme très important. Il a parlé de simuler des émotions. Donc en fait, une machine est capable de simuler, mais non de maîtriser. La grosse différence, c'est que le personnage donc, de l'extrait que vous avez passé de Her, le personnage est complètement perturbé parce que lui ne fait pas la distinction entre la simulation et la maîtrise. Donc en fait, pour lui, c'est du vrai, parce que le personnage de Samantha, Cet algorithme, en fait, derrière, a des caractères anthropomorphiques forts, que sont la voix, que sont les mots, ou même elle utilise des mots, en fait, qui laissent supposer qu'elle analyse, en fait, les sentiments du personnage principal. À un moment, elle dit, je ressens un ton de défi. Non, elle ressent rien du tout, mais elle le dit, en fait. Et donc, c'est intéressant. Donc, c'est-à-dire qu'il faut distinguer l'imitation, ce qu'il y a d'extérieur, voilà. Et ce que l'on peut sentir véritablement. Ça, c'est une question philosophique gigantesque. Hein. Est-ce qu'il y a jamais autre chose que ce qu'on voit ou ce qu'on entend? C'est ça, cette question que nous posent les algorithmes à leur façon, Serge Habitboul? Complètement, mais et les algorithmes et les informaticiens n'essaieront pas de répondre à cette question. Pour nous, on est capable de faire des machines qui imitent ce que vous voulez. Enfin, on essaie, on travaille à imiter des machines qui imitent ce que vous voulez. Mais la question de savoir s'il y a une différence entre ressentir un sentiment et imiter ce que disait tout à l'heure Aurélie, entre ressentir et ressentir vraiment, ce que nous on appellerait ressentir vraiment, ça c'est une question de philosophe, on vous la laisse. Je vous remercie, c'est ça, simplement c'est vous qui allez répondre aux questions aujourd'hui, c'est pas moi qui apporterai une réponse. Si on creuse ce que vous dites, cette équivalence, et si au fond je vous prends au sérieux et qu'on décide que c'est absolument secondaire de savoir si, d'ailleurs, vous qui êtes là en face de moi, est-ce que vous ressentez vraiment ce que je perçois sur votre visage? Est-ce que vous savez ce que vous êtes en train de dire ou pas? Si on décide que c'est secondaire, alors ça veut dire qu'on peut tout à fait vivre en bonne entente et sans problème dans un monde qui serait quasiment uniquement composé d'intelligence artificielle. Pourquoi pas? Mais la question pour les humains, c'est encore une fois pas celle-là. La question, c'est comment on vit? Est-ce qu'on vivra mieux? Est-ce qu'on sera mieux contrôler notre environnement, par exemple? Donc c'est ça la vraie question. Est-ce qu'on sera transformé psychologiquement? Vous pensez que oui, c'est ça en fait. Alors je suis certain qu'on sera transformé. Quand on a des logiciels de réalité virtuelle qui vous permettent de vivre dans un monde qui a des propriétés physiques différentes du monde dans lequel on est habitué à vivre. Donc vous êtes transformé. La question c'est qu'on ne sait pas jusqu'à quel point on sera transformé par cette nouvelle technologie, mais c'est sûr qu'on est transformé. On ne vit plus comme on vivait avant, on ne cherche plus l'information comme on cherchait avant, on ne raisonne plus comme on raisonne avant, on ne fait plus des sciences. Donc tout est transformé de façon assez fondamentale. Et donc la question c'est évidemment jusqu'où, ben j'en sais rien, on va le découvrir, hein. Comment on sera transformé par l'existence de ces robots. Mais de temps en temps, on pose aussi pas forcément les bonnes questions. C'est passionnant, l'histoire de Samantha. Mais quand vous regardez bien, les ordinateurs qu'on fabrique massivement aujourd'hui, ben, ils ressemblent pas à des humains. De la même façon qu'un avion ressemble pas à un oiseau. On fait un avion qui vole bien, donc on fait des super calculateurs qui calculent vachement bien, qui essaient pas de se faire passer pour très amoureux de l'utilisateur. Donc la majeure partie des utilisations de cette technologie, c'est fait pour nous faire des fonctionnalités qu'on ne sait pas très bien faire en tant qu'humain. Être amoureux d'une autre personne, on sait très bien faire. D'une certaine façon, c'est pas très clair ce que ça changerait. Ah, vous trouvez? On sait très bien faire. Bah, on sait très bien se poser des questions. C'est votre expérience. Alors, se poser des questions. Pardon, j'ai pas été très clair. Dans le livre que vous avez, si au contraire, je pense que vous avez beaucoup dit. Dans le livre que vous avez coécrit avec Gilles de Weck aux éditions Le Pommier, Le Temps des algorithmes, vous allez encore plus loin. Vous dites oui, ces robots, ces machines nous transforment. Vous dites même que ça peut nous arranger la vie. Qu'au fond, il y a toute une partie de notre travail qu'on pourrait sans problème déléguer à des types d'intelligence artificielle qui libéreraient du temps, qui du coup ne serait pas du temps que nous passerions à travailler, mais du temps de loisir. Je crois fondamentalement qu'avec l'informatique, on a une science qui est véritablement révolutionnaire, qui peut nous permettre de tout faire, parce qu'elle peut nous permettre d'avoir des machines qui font des choses superbes, qui font des choses qu'on ne saurait même pas faire nous-mêmes. Donc on a créé enfin un outil qui est à la mesure de tous les rêves des gens qui écrivaient de la science-fiction et tout ça, tout devient un peu possible. La question c'est que c'est pas parce qu'on a un outil qu'on va bien s'en servir. Donc la question qui reste aujourd'hui, c'est d'apprendre à bien se servir de cet outil, et il suffit d'ouvrir le journal, hein, il y a des applications d'informatique qui sont magnifiques, qui facilitent notre vie, qui aident à soigner des gens, qui aident à faire des tas de trucs géniaux, puis il y en a des qui sont carrément inquiétantes. Ça permet aussi de, je sais pas, fliquer la population. Un État peut fliquer sa population. On peut tout savoir de vous en regardant votre vie dans les réseaux sociaux. Donc il y a des choses qui sont inquiétantes. Donc maintenant la question, c'est comment on va utiliser cet outil qui est un outil merveilleux pour faire une meilleure société et puis pas faire un truc qui soit, je sais pas, 1984 ou... Ce qui pose immédiatement la question de la responsabilité morale que nous avons, nous autres êtres humains qui inventons ou créons ces algorithmes et ces machines religieuses. Avant d'aller plus loin, aidez-nous à distinguer, on parle là, on emploie de manière indistincte le terme de machine, robot, intelligence artificielle et algorithme, c'est pas la même chose. Bah, en fait, si, c'est très lié, c'est-à-dire que le mot robot, alors ça dépend, je sais pas comment vous le définissez Serge, mais le robot n'est pas forcément humanoïde, Hein. Donc, c'est-à-dire, pour moi, un algorithme, c'est un robot. C'est-à-dire qu'un algorithme qui tourne sur un ordinateur, c'est quelque part un robot, qui va donc robotiser une tâche, c'est-à-dire qui va exécuter une commande pour exécuter une tâche que l'humain peut faire ou pas, d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire que moi, je le dis souvent, une calculatrice, c'est déjà une intelligence artificielle, parce qu'en plus, elle sait faire des calculs que je ne sais pas faire à la main. Donc, voilà. Après, cela étant dit, il y a plusieurs types d'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'il y a des intelligences artificielles qu'on appelle faibles et fortes. Donc, la faible, c'est littéralement tout ce qui est automatisation des tâches, modélisation en fait des phénomènes, que ce soit dans le domaine médical comme l'a dit Serge, que ce soit dans le domaine financier, d'éducation, sociologique, peu importe, tous les domaines. Et puis on a l'intelligence artificielle forte qui est définie par une hypothèse complètement hypothétique, comme on aime le dire, c'est-à-dire le point de singularité qui dit en fait qu'il arrive un moment dans le futur où les machines en fait vont avoir une conscience et la conscience d'exister elles-mêmes. Et l'intelligence artificielle forte, c'est cette intelligence artificielle qui va non plus simuler mais maîtriser les émotions. Mmh. Et donc voilà. Et après donc là on entre dans de la science-fiction, on entre aussi dans des questionnements intéressants philosophiquement. Donc ça c'est bien évidemment pour vous c'est très intéressant à savoir notre place dans l'ordre du monde, la définition d'une émotion, qu'est-ce que la conscience, comment on la modélise, toutes ces choses-là qui rendent la tâche difficile, pour ne pas dire impossible. Mais peut-on réfléchir à ces questions, comme vous le faites, Aurélie Jean, sans s'interroger sur le sens de ça, sans s'interroger sur les conséquences que peuvent avoir le fait qu'une machine ait une conscience? Vous dites, Serge Habitboul, c'est pas mon domaine, mais en fait, est-ce qu'on peut ne pas se poser la question? Non, en fait, quand Serge c'est dit ça, c'est la responsabilité du scientifique, là, qui est voilà. À l'œuvre. En fait, quand Serge dit ça, je comprends, c'est-à-dire que je pense que les philosophes et les scientifiques doivent travailler ensemble. Et c'est encore davantage le cas pour l'intelligence artificielle. Et comme je dis souvent d'un ton provocateur, c'est qu'en fait, les philosophes réfléchissent à un monde qu'ils ne comprennent pas aujourd'hui, et les scientifiques construisent un monde sur lequel ils ne réfléchissent pas. C'est poussé à l'extrême, parce qu'en fait, c'est pas vraiment le cas dans les faits, mais c'est juste pour essayer de provoquer un peu de déclencher les consciences des uns et des autres sur ce sujet, parce que justement, nous scientifiques, quand on développe nos algorithmes et nos modèles, on se pose des questions. Mais on a besoin d'aide. On a besoin d'aide pour aller se poser d'autres questions, en tout cas d'essayer d'amener des éléments de réponse ou en cas des ouvertures sur des réponses. Et les philosophes de leur côté doivent venir aussi à nos côtés pour comprendre la technologie, comprendre le champ des possibles, pour pouvoir justement écrire, se poser les bonnes questions, celles que vous avez évoquées en début d'émission, à savoir la question du sentiment. La question de est-ce qu'on doit faire abstraction du sentiment de l'autre, est-ce qu'on peut et auquel cas est-ce qu'on peut vivre dans un monde entouré d'IA. Voilà, donc ça je pense qu'il faut relier ces deux disciplines et il faut qu'on travaille main dans la main pour essayer de répondre à ces questions. Vous essayez de le faire? Alors, à la hauteur de mes moyens, parce que comme je dis, je ne suis pas une philosophe, pas du tout, et j'ai même vous dire, j'ai même un complexe d'infériorité parce que je n'ose pas parler philosophie, et pourtant je me pousse, donc je me fais un peu violence, voilà. L'avez fait dans plusieurs articles, pourtant. Oui, je l'ai fait, mais je me suis forcée à le faire parce que c'est des questions que je me posais, et donc je l'ai fait quelques articles, là où j'ai justement expliqué que le scientifique devait redevenir philosophe, parce qu'il l'a été pendant toute l'histoire de l'humanité, faut quand même pas l'oublier. Et un deuxième, j'avais trouvé ça rigolo, en fait, de voir qu'il y a eu une démonstration entre guillemets empirique de la théorie de Wittgenstein sur la linguistique. Voilà, et sur le fait de dire qu'un mot n'a pas de sens à proprement parler, mais il n'a de sens que par les mots qui l'entourent. Donc il a un sens contextualisé. Et en fait, il a été démontré récemment par un algorithme de traduction qui justement fonctionne là-dessus. Donc voilà. Alors on va essayer de voir justement si on rentre un peu plus précisément dans l'analyse des présupposés contenus dans la méthode algorithmique, ce que ça signifie pour la manière que nous avons de concevoir le réel dans lequel nous vivons. On va prendre un texte tout de suite, un texte très simple, c'est un texte de Galilée. Galilée qui va écrire, alors c'était au XVIIe siècle, au début du XVIIe siècle, que l'univers est écrit en langage mathématique. Écoutons le texte et puis vous nous direz ensuite si finalement ce qui est compris, ce qui est présupposé dans cette méthode-là, dans la méthode algorithmique, n'est pas justement que chaque chose que nous expérimentons, que nous entreprenons, eh bien serait réductible à ce langage mathématique qu'il suffirait d'apprendre à parler pour tout comprendre. Je crois déceler chez certains la ferme conviction qu'en philosophie, il est nécessaire de s'appuyer sur l'opinion d'un auteur célèbre et que notre pensée, si elle n'épouse pas le discours d'un autre, doit rester inféconde et stérile. Peut-être croit-on que la philosophie est l'œuvre de la fantaisie d'un homme, comme l'Iliade et le Roland furieux, où la vérité de ce qui y est écrit est la chose la moins importante. Il n'en est pas ainsi. La philosophie est écrite dans cet immense livre qui se tient toujours ouvert devant nos yeux, je veux dire l'univers. Mais on ne peut le comprendre si l'on ne s'applique d'abord à en comprendre la langue et à connaître les caractères avec lesquels il est écrit. Il est écrit dans la langue mathématique, et ses caractères en sont des triangles, des cercles et autres figures géométriques, sans le moyen desquels il est humainement impossible d'en connaître un mot. Sans eux, c'est une errance dans un labyrinthe obscur. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Nous parlons d'algorithmes cette semaine. Et aujourd'hui, on s'interroge sur la conscience, le sentiment, le cœur qu'auraient peut-être ces algorithmes. Et on se demande à l'instant si l'univers ne serait pas écrit en langage mathématique. C'est ce qu'affirme Galilée dans ce texte écrit en 1623. Et c'est la question que je voudrais vous poser à tous les deux, Aurélie Jean et Serge Habitboul, à savoir, est-ce que vous pensez que cette méthode algorithmique, eh bien, permet de déceler ce de quoi le réel est fait, à savoir d'avoir tenir le fin mot sur ce qui est, Serge Habitboul? C'est une question difficile. Je pense que Galilée, avec son approche, aurait probablement dit que le langage n'est pas mathématique, mais informatique aujourd'hui, ou algorithmique. Quelle différence vous faites? C'est un langage, il n'y a pas d'équation. C'est un langage avec des programmes, des suites d'instructions. Il y a une façon de penser, de raisonner. C'est un raisonnement. Alors, c'est vrai que c'est très proche. En particulier, la logique mathématique est extrêmement proche de la programmation. Mais disons que c'est plus tiré vers l'action, vers la réalisation de quelque chose, que juste vers l'analyse, comme peut être plus les mathématiques. Alors, pour en venir à cette question, donc il y a des aspects sur lesquels je serais complètement en accord avec ça. Si on fait un raisonnement, un humain qui raisonne, ce raisonnement peut être complètement, sa pensée peut être complètement capturée par un algorithme, et on peut vérifier d'ailleurs un raisonnement, on peut avoir des outils informatiques qui les vérifient, tout ça va bien. Après, il y a un niveau où je ne sais plus. Par exemple, quand je suis en train de lire un poème de Verlaine et que j'adore ça, est-ce que c'est quelque chose d'algorithmique ou pas? Je ne sais pas trop l'expliquer. Alors, on pourrait probablement me décrire complètement toutes mes pensées, tous mes neurones, etc., de façon extrêmement précise, et montrer qu'en fait, c'est un algorithme qui se réalise, mais on n'apprendrait pas grand-chose. On n'apprendrait pas du tout à pourquoi ce poème est beau et pourquoi il n'est pas beau. On apprendrait des tas de trucs en passant, peut-être, mais ça résoudrait pas les problèmes. Donc, je ne sais pas trop répondre à votre question, si ce n'est qu'elle a une tendance à être un peu risquée par moment. La réponse galiléenne a tendance à être un peu risquée. On le voit en ce moment avec ce que j'appellerais un solutionnisme numérique, c'est-à-dire que vous prenez n'importe quel problème, on va vous dire on va tout formaliser le problème, on va mettre ça sous forme de symboles, de chiffres, de lettres, et puis on va mettre un algorithme dessus, puis ça va vous résoudre le problème. Et c'est souvent naïf, ça peut oublier des pans entiers du problème qui sont des entiers trop complexes, qui sont par exemple des aspects humains qui sont difficiles à quantifier, qui sont difficiles à mettre en équation. À la limite, si c'est une foule, on va pouvoir peut-être, mais sur un individu, c'est pas simple, on va dire. Aurélie Jean. Moi, je pense que Galilée exprime notre rêve, c'est-à-dire que... À notre rêve? Alors, mon rêve, en tout cas. Je c'est parle pour moi, pardon. Vous souhaiteriez que tout soit avec non, langage en fait, mathématique? Non, j'exprime ce que veut dire Galilée, le pauvre, il n'est même pas là pour se défendre. Donc, j'essaie d'exprimer ce que je pense qu'il voulait dire. En fait, pour comprendre notre monde, il faut quelque part le modéliser. Le modéliser, ça ne veut pas dire forcément le modéliser mathématiquement, ça veut dire le réduire à quelque chose qui est compréhensible et sur lequel on peut réfléchir. Et quelque part... Galilée, quand il dit ça, en fait, il y a plusieurs manières de comprendre le monde et de le modéliser. C'est vrai que la modélisation mathématique, elle peut se faire à partir de l'observation. On observe un phénomène, donc on le mathématise. C'est ce qu'a fait Newton avec sa pomme tombée de son arbre, et voilà, pour décrire la gravité, un corps en chute libre. On peut aussi le faire par l'intuition, c'est-à-dire qu'on a une intuition et qu'on décrit mathématiquement, et on peut vérifier in fine bien plus tard ou par des expériences que cette intuition était bonne parce qu'on a la formule mathématique qu'on va pouvoir confronter à la réalité, ou encore par le raisonnement logique, ce que disait Serge, c'est-à-dire on a un raisonnement logique par rapport à ce qu'on sait déjà, et mathématiquement ce qu'on sait déjà sur des phénomènes qui sont reliés aux phénomènes qu'on veut exprimer mathématiquement. Et donc, quelque part, la modélisation mathématique, c'est un rêve parce qu'elle permet d'exprimer des choses compliquées, d'en trouver les causes, les origines, et puis peut-être des relations à d'autres choses. Maintenant, comme le dit Serge, c'est limité, et je pense qu'on ne peut pas tout modéliser, il faut l'accepter. Donc c'est un rêve qu'on ne peut pas atteindre. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui sont, il y a des choses qui sont difficilement quantifiables déjà. Et puis par exemple, si quelqu'un un jour arrive à modéliser l'amour, qu'il frappe à ma porte parce que je pense que c'est compliqué. C'est ce qui se passe dans le film, hein, pourtant, de Spike Jonze, Her. Alors, il modélise pas l'amour, il déclenche l'amour par un algorithme. C'est très différent. Quelle différence? La différence, c'est que décrire l'amour algorithmiquement, ça veut dire décrire l'amour par une séquence. Par des équations mathématiques qui sont suivies de séquences d'opérations pour décrire ce qu'est le sentiment amoureux. Ce qui se passe dans le film Her, que je recommande d'ailleurs, qui est très bien, c'est justement que ce petit algorithme, qui n'est pas si avancé que ça, en tout cas au début du film, va déclencher un sentiment amoureux auprès du personnage principal. Mais j'ai envie de dire, on a tous peut-être un jour eu un sentiment, pas forcément d'amour, au sens l'amour charnel qui est décrit dans le film, mais un amour fraternel vis-à-vis de notre ours en pluche, par exemple. Mm-hmm. Et pour autant, voilà, c'est un déclencheur de sentiments amoureux et non pas, ça ne modélise pas le sentiment amoureux. Serge Habitboul ? Il y a ce côté, cette dimension humaine, et j'avais aussi parlé de ça aussi, je suis très, tout à fait d'accord avec ça. Il y a aussi une dimension qui est juste la complexité d'un problème. Je pensais au problème du climat. Le problème du climat, on ne sait pas résoudre ce problème-là. On peut pas le maîtriser complètement parce qu'il y a des effets qui sont des effets aléatoires. Il y a des choses qu'on ne prédit pas. Donc, on peut modéliser le climat le mieux possible. On n'arrête pas de le faire. On s'améliore en permanence. Donc, on utilise pour ça toutes les théories mathématiques qu'on connaît, toutes les équations de physique, de chimie, d'électromagnétisme, tout ce que vous voulez. On fait un gros programme qui est censé simuler le climat. Et puis, c'est comme ça qu'on essaie de faire des prédictions. Mm-hmm. C'est très compliqué. C'est jamais parfait. On s'améliore. Et d'une certaine façon, la perfection n'existe pas parce que le calcul demande trop de paramètres, trop de possibilités et trop d'aléatoires. Donc là, c'est une autre dimension sur laquelle il faut être, devant laquelle il faut être un petit peu modeste, c'est l'aléatoire et les grands nombres. Parce que contrairement à ce qu'on peut penser, l'algorithme n'implique pas forcément un déterminisme, mais au contraire, soulève la part d'aléatoire qui constitue cette Absolument. Méthode-là. Alors, on va prendre un cas particulier ensemble, on va écouter un exemple d'application de la méthode algorithmique, parce que vous avez dit, oui, on peut pas tout n'est pas réductible à cette méthode-là, il y a des choses qui échappent même à ce raisonnement, c'est vrai, et pourtant nous développons aujourd'hui des méthodes ou des applications de cette méthode qui auraient été inenvisageables il y a encore quelques années ou quelques décennies. Voici par exemple une façon d'appliquer la méthode algorithmique à un recrutement professionnel, et ce qui a donné lieu au recrutement prédictif. Écoutez, c'est une archive France Inter. Comme on est spécialisé dans le recrutement prédictif, notre job, c'est quoi? C'est justement de permettre aux recruteurs de bien anticiper parmi leurs candidats, bah voilà, quels sont ceux qui auront la capacité à réussir, à s'épanouir au sein des jobs qu'ils ont à proposer. L'idée, c'est d'apporter davantage d'objectivité dans les pronostics, pas simplement de s'appuyer sur le ressenti du recruteur, mais s'appuyer sur des données factuelles qu'on a recueillies sur chacun des candidats pour, au travers, en effet, d'une formule mathématique, hein, c'est ça, un algo, et ce qu'on va faire ressortir, c'est, un, la probabilité de réussite dans le job, donc de 0 à 100%, et également, à côté, la probabilité d'épanouissement. Et tout l'objet du recrutement prédictif, eh bien, c'est de se dire, voilà, est-ce que les talents naturels de mes candidats sont alignés ou est-ce qu'on a de gros décalages avec ce qu'on va lui demander, en gros, de faire au quotidien dans son job. C'est notamment ce qu'on a fait avec le groupe Galerie Lafayette, donc avec BHV, et ça leur a permis en 12 mois, les 12 premiers mois d'exploitation de la solution, de diviser le taux de turnover par deux, c'est-à-dire qu'ils sont passés de 17 à moins de 9%, et ils ont également augmenté le revenu de 11% sur l'ensemble des points de vente où ils ont recruté des personnes qui étaient alignées par rapport au modèle qui avait été défini par Assessfirst. Alors voilà, Aurélie Jean et Serge Habitboul, si on ne peut pas tout mesurer à l'aide des chiffres, on entend quand même dans cet extrait quelqu'un qui parle de mesure de l'épanouissement. Ça veut dire qu'il y a des domaines qui peuvent paraître vraiment hermétiques à toute forme de mesure mathématique et qui deviennent désormais, alors est-ce efficace en termes de rentabilité ? Oui, c'est ce qu'on a entendu, qui entrent dans le domaine de ce qui est mesurable. Alors est-ce qu'on ne peut pas imaginer que ce cercle-là va s'élargir de plus en plus ? Pourquoi pensez-vous qu'il y a des choses qui échapperaient au domaine algorithmique ? Alors, Aurélie Jean. En fait, il y a une raison toute simple, c'est le cas qui a été présenté ici. Je pense que c'est symptomatique de quelque chose d'important, c'est qu'on ne sait jamais qu'on a tout modélisé. Parce qu'on ne sait jamais qu'on a tout observé. C'est impossible. Enfin, vraiment. Et donc, quelque part, l'outil que la personne présente, à la fin, en effet, cette personne présente des résultats plutôt positifs. Mais moi, je dis toujours, les résultats, c'est pas parce que ça marche dans la majorité des cas que dans les cas où ça ne marche pas, ça ne crée pas des catastrophes. Donc il faut faire attention. Et en plus, bon, le cas du modèle prédictif pour le recrutement est, je pense, le cas le plus sensible. Ah oui. L'un des cas les plus sensibles. Oui, parce qu'en fait, il faut faire très attention à comment ces outils sont utilisés. Il faut que les gens les utilisent et aient conscience de la démarche algorithmique pour justement éviter ce qu'on appelle des discriminations technologiques. Moi, j'ai travaillé là-dessus, je continue à travailler là-dessus. C'est l'idée, en fait, que lorsqu'on crée des outils, on met en fait nos propres biais cognitifs inconsciemment dans ces outils, et quand on choisit de la donnée sur laquelle calibrer ou entraîner cet algorithme, on choisit cette donnée. C'est ça. Donc quelque part, on peut avoir un sans le vouloir, sans être méchant, si je peux utiliser ce mot, on peut introduire un biais dans l'algorithme et donc faire de la discrimination technologique in fine. Par exemple, et ça a été démontré, il y a eu des cas d'outils de recrutement qui, par exemple, parce qu'ils ont été entraînés sur les recrutements des 10 dernières années, ont par exemple forcément discriminé des femmes pour certains postes, parce que dans les 10 dernières années, il y avait peu de femmes à ces postes. Donc, encore une fois, il ne faut pas se cacher derrière le caractère objectif des mathématiques pour justifier le caractère objectif d'un outil aujourd'hui, et c'est le mot qu'a utilisé ce monsieur en parlant d'objectivité de recrutement. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'un algorithme n'est jamais axiologiquement neutre. C'est-à-dire que c'est jamais absolument ni bien ni mal, ni vertueux ni vicieux, ça dépend toujours de celui qui l'a imaginé, de la fin au service de laquelle on le met. Serge Habitboul. Alors, tout à fait. C'est pas parce que c'est un raisonnement plus ou moins algorithmique que c'est par définition quelque chose qui va être non biaisé, qui est quelque chose qui va être bien fait. Pas du tout. Il peut y avoir des biais inconscients, comme c'était, qui ont été introduits de façon inconsciente. Ça peut être aussi. Alors, on parle beaucoup d'algorithmes d'apprentissage, c'est-à-dire des algorithmes où l'algorithme va imiter ce que fait des humains, parce qu'on ne sait pas vraiment écrire un algorithme dans ces cas-là. C'est probablement le cas pour l'embauche. Là, on ne sait pas exactement décrire ce que doit faire une personne pour ça. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on lui donne des tas d'exemples. Et quand on donne des tas d'exemples, on peut introduire un biais qui est de répéter les exemples. On l'a vu dans la justice avec des juges qui jugeaient avec des biais ethniques et l'algorithme reproduisait ça. Donc, je pense que c'est important revenir à votre question. Non, c'est pas par nature que ces algorithmes sont bien ou plus justes, mais l'avantage, disons, d'un algorithme sur un être humain, très souvent, c'est que on peut mesurer, on peut détecter qu'il fait un biais, et si vous avez un algorithme qui est biaisé, qui défavorise les Noirs ou les femmes ou je sais pas quoi, quand vous avez ce genre de choses que vous avez détectées, c'est plus facile de le corriger que de corriger des humains. Vous prenez des juges qui ont jugé pendant 10 ans et qui ont des mauvaises habitudes, les transformer, ça va être difficile. Un algorithme, c'est pas simple. Techniquement, c'est pas trivial, mais techniquement, on commence à savoir faire. Donc voilà, c'est pas par nature bien, mais si on le surveille, on peut mieux faire. Est-ce qu'il s'applique à la technique en général? Voilà, on n'invente rien, hein. C'est une technique. Aurélie Jean. Oui, je voulais juste préciser, c'est que l'algorithme, il propose une base décisionnaire, il ne donne pas une décision. Et je sais qu'il y a une subtilité dans ça, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que l'algo vous propose une dizaine de CV à regarder qu'il faut forcément regarder ces dizaines de CV et qu'il faut forcément ne pas regarder les autres CV. Et tout à l'heure, vous parliez d'aléatoire, moi j'aime bien parler d'effet de surprise dans les algorithmes. J'adore en fait jouer avec mes algos pour essayer de leur donner des données en fait qui ne sont pas habituelles, ce qu'on appelle des données synthétiques. Donc on crée des données, on invente des données, on invente des profils par exemple de candidats et on voit comment l'algorithme réagit. Et moi j'ai envie en fait que les gens qui utilisent ces outils aient en fait cette approche-là, de comprendre à la fois le fonctionnement algorithmique un minimum hein, bien évidemment voilà, et puis aussi de se poser les questions des questions de société, des questions éthiques, des questions morales, et c'est pour ça qu'on a besoin des gens comme vous, des philosophes qui puissent nous aider à comprendre et nous poser en tout cas les bonnes questions. Mais les questions, vous les posez de toute façon dans la pratique de votre métier. Est-ce que vous pensez que ces questions-là sont d'autant plus nombreuses aujourd'hui que les algorithmes sont de plus en plus présents dans les discours, en tout cas, que l'on entend depuis l'invention des réseaux sociaux, par exemple? On ne parle que d'algorithmes qui viennent décider à notre place, qui influencent nos choix. On en parlera demain dans le domaine politique avec Giuliano da Empoli. Jeudi, on parlera de l'importance des algorithmes dans la justice. Vous en avez rapidement parlé, Serge Habitboul. Mais concrètement, est-ce qu'aujourd'hui, ce que vous dites semblerait impliquer la nécessité d'une éducation aux algorithmes, savoir que c'est un outil, qu'il faut savoir s'en servir? On n'en est pas du tout là. On n'est pas du tout prêt en fait à faire face à ce qui se passe. Et justement, moi, je me bats pour ça. C'est-à-dire que je pense qu'on doit démocratiser la discipline sans pour autant comprendre la nature mathématique de l'algorithme. On s'entend bien. C'est juste comprendre quel est le principe d'un algorithme. Qu'est-ce qu'il fait avec la donnée? Comment il la manipule? Qu'est-ce que c'est un algorithme entraîné? Alors, qu'est-ce que ça veut dire précisément, par exemple. Donc typiquement, lorsque vous avez un outil dans les mains et qu'on vous dit un algorithme va vous donner une décision de 10 CV à regarder pour tel poste dans votre boîte et que vous êtes aux ressources humaines, votre idée, c'est de dire OK. Qu'est-ce que fait cet algorithme? Est-ce qu'il a des critères qu'on appelle explicites? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un humain, un développeur, un scientifique qui, à un moment donné, a défini des critères sur lesquels était défini un bon profil, auquel cas il faut que la personne qui utilise l'outil connaisse ces critères? Est-ce que l'algorithme a été entraîné? Ce qui veut dire, comme l'a dit Serge, qu'on ne sait pas mathématiser explicitement en fait un phénomène, on va aller entraîner l'algorithme sur des tas de données. Et à ce moment-là, il faut comprendre, donc, les critères deviennent implicites, il est difficile de les extraire, mais auquel cas il faut comprendre quelle est cette donnée, d'où elle vient. C'est-à-dire, quand est-ce qu'elle a été sur les 5 dernières années, les 2 dernières années? Est-ce qu'on a été chercher les emplois, les embauches dans plein de boîtes? Enfin, voilà, c'était cet œil critique pour arriver justement à comprendre d'où vient l'algorithme, d'où vient l'outil. Après, moi, j'aime beaucoup aussi essayer de titiller les gens pour que les gens apprennent par eux-mêmes, et ça marche, apprennent par eux-mêmes à jouer avec l'algorithme. Encore une fois, l'algorithme ne propose pas de décision, il ne vous donne pas une décision, il vous propose une décision. C'est très différent. Voilà, il vous propose une base décisionnaire et c'est vous qui décidez à la fin, et que vous. Donc, je pense qu'il y a une éducation qui est possible, vraiment. Moi, je pense. Qu'il faudrait dispenser quoi dans l'enseignement public à l'école. À l'école primaire. Okay. Et même, vous savez, même en maternelle, on peut apprendre l'algorithmique à un enfant sans écran d'ordinateur. Hein. L'algorithmique, c'est de la logique. On peut lui expliquer. Enfin, il y a des choses assez surprenantes qu'on peut faire avec un enfant, quoi. S'il est pas du tout, pour le coup, il est pas du tout biaisé. Donc, il a pas forcément appris à compter en base décimale. Donc, il peut compter en base binaire beaucoup plus rapidement. Mais sommes-nous à la hauteur ou sommes-nous à la mesure de l'intelligence que nous avons produit à travers ces algorithmes, Serge Habitboul? Bien sûr, c'est par définition une intelligence supérieure à la nôtre. Absolument pas, c'est nous qui avons créé ces machins-là, c'est nous qui les avons programmés, c'est nos idées qui sont dedans. Donc, il n'y a pas de raison d'avoir le moindre complexe vis-à-vis de ça. C'est pas une intelligence supérieure qui nous est tombée de l'hyperespace. Hein. C'est nous qu'on l'a fait. Donc, il faut vraiment partir de ça. Par contre, c'est des informaticiens, des mathématiciens qui ont travaillé là-dessus. Et il faut que maintenant le grand public, tout le monde, puisse monter en compétence pour arriver à comprendre ce qui se passe, pour arriver à ouvrir. C'est des boîtes noires. Il faut pas que ça reste des boîtes noires. C'est extrêmement angoissant d'utiliser à longueur de journée une boîte noire sans savoir ce qu'il y a dedans. Il faut être capable d'ouvrir le capot, de comprendre un peu. Alors, on demande pas aux gens de devenir des spécialistes de chez Microsoft ou Google. Hein. On leur demande juste d'être capable de comprendre un peu, d'être capable de customiser, de mettre au point, d'être capable de comprendre, d'être capable d'utiliser, peut-être d'écrire un peu de code pour modifier. C'est pas compliqué du tout. On n'est pas en train de faire des choses super dures. On est juste en train de formaliser un petit peu la façon dont vous raisonnez en philosophie. En philosophie, on vous apprend tout ça. C'est un langage qui ressemble un petit peu, qui est un petit peu différent, qui est dans l'action et qui va vous faire bouger les choses. Ça fait que les gens qui sont un petit peu formés ne seront pas des esclaves de ces nouvelles technologies. Ils deviendront des vrais acteurs, pourront participer, pourront les modifier, pourront les maîtriser. Hein. Tous les exemples que donnait Aurélie, c'était véritablement ça, de comprendre, de maîtriser ce qu'on fait pour pas faire n'importe quoi. Alors parfois, les méfaits induits par ces machines sont tels que nous ne pouvons rien, nous ne pouvons pas lutter contre ces méfaits-là. C'est ce que raconte Cathy O'Neill, qui a écrit un ouvrage qui vient d'être publié en français, « Algorithme, la bombe à retardement », dans lequel cette mathématicienne va dénoncer l'emprise des systèmes informatiques toxiques sur notre quotidien, dit-elle. Voici le texte. Elle part de l'exemple du krach financier qui a eu lieu, auquel elle a assisté. Le krach financier a révélé avec la plus grande clarté que les mathématiques, mon refuge de toujours, étaient non seulement intimement mêlées aux problèmes du monde, mais alimentaient également nombre d'entre eux. En récitant leurs formules magiques, les mathématiciens s'étaient rendus complices de la crise de l'immobilier, de la chute d'institutions financières majeures, de la montée du chômage. Grâce aux extraordinaires pouvoirs que je vénérais tant, les mathématiques s'étaient associées à la technologie pour décupler le chaos et le malheur, conférant une ampleur et une efficacité redoutables à des systèmes que je savais désormais défectueux. Telles des divinités mystérieuses, ces modèles mathématiques étaient opaques. Leur rouage invisible de tous, sauf des plus grands prêtres en la matière, les mathématiciens et les informaticiens. Leur verdict, fût-il nuisible ou erroné, était sans appel et ne souffrait aucune discussion. Et ils avaient tendance à punir les plus défavorisés et les opprimés, tout en rendant les riches encore plus riches. J'ai trouvé un nom pour désigner ces modèles nocifs. Ce sont des armes de destruction mathématique. ADM. Vous aurez noté le choix du vocabulaire, hein, les prêtres, les pouvoirs extraordinaires, les formules magiques, qui sont autant de termes volontairement irrationnels qui viennent s'appliquer ici à l'utilisation qui est faite des mathématiques dans ce domaine, jusqu'à ce néologisme, hein, ADM, des armes de destruction mathématique. Vous connaissez Cathy O'Neill, Serge Habitboul? Je l'ai écoutée une fois, mais je ne la connais pas personnellement. Et à la fois, j'aime beaucoup son livre, parce qu'elle est extrêmement bien documentée. C'est quelqu'un qui sait de quoi elle parle. Elle maîtrise son sujet parfaitement. En même temps, je suis un peu réticent, parce que moi, j'essaie d'avoir une approche beaucoup plus optimiste, beaucoup plus positive. Et quand on lit son livre, on peut aussi rester à un niveau juste angoissé. C'est des boîtes noires, c'est de la magie, enfin bon, et s'inquiéter. Mais c'est une mathématicienne qui dit ça, en plus. Oui, mais c'est ça quand on lit complètement son livre jusqu'au bout, on s'aperçoit qu'elle pointe aussi vers des solutions. Elle ne se contente pas d'un constat négatif. Elle regarde les choses. Elle dit, par exemple, dans l'extrait que vous avez lu, elle dit quel est le problème ? Le problème, c'est l'opacité de ces algorithmes. C'est pas l'algorithme le problème. Le problème, c'est qu'on sache pas ce qu'il y a dedans. Le problème, c'est le fait qu'ils aient le droit de faire ce qu'ils veulent, qu'ils soient pas régulés. Le problème, c'est qu'en même temps, on puisse pas contester leurs résultats. Le problème, c'est qu'ils soient biaisés et qu'ils augmentent les injustices qu'on peut déjà avoir dans notre société. Donc, elle pointe les vrais problèmes. Et moi, j'aurais tendance à retourner à la question en disant, mais si on rend ces algorithmes transparents, si on permet de les réguler, si l'État fait son boulot et régule ces algorithmes, si on peut les contester, si on fait attention qu'ils ne soient pas biaisés, on peut construire une meilleure société. Donc, j'allais dire... Son constat est correct, et il faut faire attention à ce qu'on fait quand on utilise, quand on donne autant de puissance à un outil, ben, faut évidemment faire attention, c'est pas nouveau. Par contre, je pense que son texte a ça d'intéressant, qu'elle analyse bien quels seraient les leviers pour corriger le problème. Aurélie Jean, qui est Cathy Oni? Alors, Cathy Oni, en fait, c'est une data scientist, elle travaille aussi dans les algos entraînés, et donc elle s'est intéressée depuis un moment déjà, elle est très charismatique, hein. Donc elle s'intéresse depuis un moment déjà au biais algorithmique. Et elle essaie justement, elle déclenche des consciences chez les gens, le grand public, sur justement l'utilisation intelligente d'outils pour en devenir des maîtres et non des esclaves. Et par justement cette notion de biais algorithmique et qu'on utilise des outils qui peuvent être biaisés, donc elle parle de ça et c'est très très intéressant. Le livre en fait, comme l'a dit Serge, il y a beaucoup de solutions et beaucoup de rationnel dans le livre, donc l'extrait n'est pas forcément révélateur. Et par contre après, moi c'est vrai que Cathy Oni, j'ai un grand respect pour elle parce qu'elle sait de quoi elle parle et ça fait du bien. Voilà. Après, c'est vrai qu'elle a, dans la forme, elle a une forme très dure. Moi, c'est pas ma manière de faire. C'est-à-dire qu'elle est très dans le dramatique, elle utilise des mots forts. Ne serait-ce que le titre du livre est très fort. La bombe à retardement. Voilà. Et algorithme de la bombe à voilà. retardement. Et ça, je trouve ça trop dur. Je pense que le Parce que vous sentez mots... attaqué dans votre discipline? Peut-être. Oui. Alors, par exemple, voilà, je voulais rebondir là-dessus. C'est que dans l'extrait, et c'est pas du tout ce qui ressort dans le livre après. Donc, c'est ça qui est intéressant. Mais dans l'extrait, donc, que vous avez passé, il y a une accusation, en fait, assez forte vis-à-vis des mathématiciens et des scientifiques en règle générale. Et pour moi, c'est un peu rapide. Enfin, moi, j'aime pas les avis tranchés. Je me méfie tout le temps de ça. Et c'est vrai que c'est comme si vous disiez que Dirac, grand physicien du 19e siècle, était responsable de la bombe atomique. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'il faut mettre de l'eau dans son vin. Oui, mais elle le dit elle-même et elle parle de son expérience. Elle parle de système qu'elle savait défectueux. Ah oui. Et elle parle de complicité. Elle dit pas que les mathématiciens sont responsables. Elle dit qu'ils avaient les moyens de savoir que ça allait produire une telle catastrophe. Alors, il faut voir dans des cas. Mais par exemple, il y a un point qu'elle souligne et que je trouve que vous soulignez qui est très important. C'est que on est responsable. Et on est responsable et on doit donc être c'est qui nous les mathématiciens, les scientifiques, tout le monde à mon avis. Hein, mais nous les scientifiques, si on parle du point de vue des scientifiques que vous évoquez, nous sommes responsables et par là et dans cette idée-là, il faut nous aider à nous responsabiliser. Il faut nous soutenir, pardon. Je m'explique. Par exemple, moi j'ai eu affaire en fait dans un modèle, un algorithme que j'avais développé à Bloomberg à New York, et il s'avère que je me suis rendu compte en cours de route, au bout d'un mois et demi en fait, que la data sur laquelle on avait allait biaiser l'algo. Alors traduisez data. Ah, pardon. Là, j'avais des données sur lesquelles je devais calibrer, donc identifier mon algorithme, et les données étaient vraiment biaisées. J'ai trouvé des biais, et ça me gênait, j'arrivais pas à débiaiser ma donnée, donc je n'arrivais pas à trouver des données représentatives pour avoir un algorithme qui soit juste, entre guillemets, neutre, comme vous dites. Et donc deux choix se présentent à moi, soit je le dis et on arrête tout, soit je le dis pas et on va jusqu'au bout, mais au moins j'ai un algorithme qui va jusqu'au bout et ça compte dans ma production à moi. Bon. Heureusement, on est soutenu. C'est-à-dire qu'on est soutenu. Donc moi, j'ai dit à mon supérieur, je dis, écoute, voilà, la donnée est pas bonne, il faut qu'on arrête le modèle. Et quelque part, Bloomberg, et je pense qu'il y a plein de boîtes comme ça, valorise ce geste d'arrêter un modèle en cours de route. Parce que quelque part, je peux me dire aussi, bon, on a envie d'avoir notre prime, on a envie, voilà. Et donc quelque part, c'est important quand je dis qu'on doit être soutenu, c'est que la société, les entreprises, les institutions doivent soutenir en fait cette démarche de mesurer l'efficacité d'un scientifique ou d'une personne en général, pas par le résultat final, pas par la production, comme j'ai envie de dire, mais par l'effort. Parce que quelque part, ce qu'on a fait, ce que j'ai fait, et tout le monde était d'accord, hein, bien évidemment, parce que c'est la mentalité dans le milieu, mais c'est de dire, on arrête. Et puis peut-être que le modèle, on va le reprendre dans un ou deux ans. Mais en tout cas, aujourd'hui, il n'est pas prêt. Voilà. Et donc, vous avez une prime morale. Voilà. Pourquoi eux, c'est génial, ça. Voilà. Mais la question de la responsabilité, elle est vraiment intéressante parce que vous disiez, Serge Abitboul, tout à l'heure, vous disiez, mais quand les algorithmes sont devenus aussi puissants, c'est nous, vous sembliez dire, on en a fait quelque chose d'aussi puissant. Mais en fait, on ne peut pas savoir qui. dit, c'est pas les mathématiciens qui sont responsables, ils le sont d'une certaine façon. Tout le monde l'est, vous l'avez dit aux religions, mais en fait, ce phénomène qui a pu conduire au krach financier décrit par Cathy O'Neill dans ce texte-là, il est difficile d'identifier un responsable, un coupable. Au fond, il y a bien un moment où ce que nous avons produit, vous avez bien insisté sur le fait que nous étions à la hauteur de l'intelligence que nous produisions, quand même nous dépasse, n'est plus entre les mains de ceux qui l'ont créé. C'est là où est le problème de la responsabilité. Je suis d'accord pratiquement avec toute votre analyse jusqu'à le « ça nous dépasse ». Ça ne nous dépasse pas du tout. C'est-à-dire que... Donc c'était volontaire le krach ? On aurait pu éviter tout ce qui s'est passé ? Alors, ou même ça a été fait délibérément ? Non, je ne sais pas si ça a été fait délibérément, probablement pas. Mais que le krach ait lieu, y a eu un krach. Et puis après, la question c'est qu'une fois qu'on a... On ne connaissait pas cette situation avant. C'est une situation qui aurait peut-être pu être prévue, mais c'est compliqué de faire des simulations de choses qu'on ne connaît pas. Donc c'est une situation qui est arrivée. La question, c'est, bon, le krach, c'est pas la fin du monde. Si on le corrige, il y avait des krachs boursiers, il y en a eu plein avant, ouais. C'est pas le premier. Hein. Donc, maintenant, on sait que ça peut arriver à cause d'un algorithme qui fait des enchères ou des choses comme ça. On corrige l'algorithme, on s'arrange pour que ça arrive pas, on met des garde-fous. Donc, je pense que c'est un peu comme ça qu'il faut imaginer la société. Mmh. Le rôle n'est pas uniquement un rôle des scientifiques de faire des bons produits, etc. Évidemment, c'est mieux s'ils travaillent sur des sujets, des produits éthiques. S'ils ont l'éthique au tout départ, on parle maintenant d'éthique by design. Mmh. S'ils ont depuis le départ ça en tête, c'est mieux. Mais sinon, après, c'est à la société, et c'est pour ça que tout le monde doit être un peu responsable et tout le monde doit prendre un peu de sa responsabilité, donc un peu de compétence pour participer. C'est à nous collectivement de mettre des garde-fous, de dire ben il n'y a rien qui empêchera des militaires de fabriquer des drones qui vont de façon autonome au bout du monde et qui balancent une bombe sur quelqu'un. Ça peut être que un choix sociétal d'interdire ça. C'est pas aux militaires, c'est pas aux scientifiques. Ils trouveront toujours un scientifique pour qui a besoin d'argent et qui va développer la techno. Surtout que la plupart du temps, il va prendre de la techno qui existe déjà, que quelqu'un a développé pour autre chose. Mmh. Et il va juste mettre tout ça ensemble et puis il va construire un drone qui va aller à l'autre bout du monde sans pilote pour poser une bombe. C'est un exemple, mais à peu près pour toutes ces décisions algorithmiques qui nous inquiètent, qui, à juste titre, qui nous posent des questions, c'est à nous de décider ce qu'on veut faire avec cette technologie. Oui, mais vous l'avez bien dit, on ne pouvait pas prédire ce qui s'est passé. On ne peut pas prévoir ou prédire ce qui n'a jamais eu lieu. Ce qui montre bien que notre connaissance, voire même notre pouvoir, est par définition limité. Ça a toujours été le cas. On ne pouvait pas prévoir que les premières banques allaient faire des faillites. On ne pouvait pas prévoir que les voitures automobiles... Si on pouvait prévoir que les automobiles allaient avoir des accidents, donc ce qu'on essaie de prévoir, on le prévoit, on travaille dessus, on fait des voitures autonomes avec un soin absolument dingue pour éviter qu'il y ait des accidents. Il y en aura quand même, mais on fait au mieux pour que le taux d'accident soit beaucoup plus faible qu'avec un être humain. Donc, on connaît des risques, on peut en découvrir d'autres, mais la question, c'est... Moi, j'aurais tendance à dire, c'est pas les risques qui sont imprévisibles, qui m'inquiètent. C'est le fait qu'on connaît des choses depuis des années. On sait très bien que, par exemple, le fait qu'il y a un moteur de recherche qui est 90% du marché mondial, c'est un risque de déséquilibre énorme pour l'économie. On fait rien. Donc, ce qui m'inquiète, c'est pas tellement les sujets qu'on pourrait découvrir au passage, c'est qu'est-ce qu'on fait pour les problèmes qu'on a bien identifiés et que collectivement on doit résoudre. Oui, mais la première question est intéressante aussi parce que finalement, d'après ce que vous dites, on a l'impression qu'on est soumis aux algorithmes comme on est soumis aux aléas du hasard. Finalement, c'est ce que vous dites. Or, on se dit que s'il y a bien un domaine où on pourrait avoir de la compétence nécessaire pour changer le cours des choses, c'est celui des algorithmes. Or non, vous dites. Je me suis mal exprimé. Je pense qu'on doit justement utiliser toute cette technologie et nos compétences pour maîtriser le plus possible ce que font ces algorithmes. Oui, mais il y a une part d'imprévu de toute façon, comme dans le reste de la vie. Comme dans le reste de la vie, il y a toujours une part d'imprévu. C'est ça qui est frustrant, c'est là où on se dit qu'on pourrait, ce serait au moins un domaine où on pourrait en fait avoir le contrôle. On peut pousser le contrôle, on peut pousser les paramètres le plus possible, on peut essayer de réfléchir à des situations imprévues, on peut faire beaucoup de choses, mais encore une fois, il y a une certaine ressource dont on dispose, et les ressources dont on dispose, typiquement, on va quand même les focaliser pour maîtriser les cas qu'on connaît. Et c'est déjà beaucoup, hein. Aurélie Jean. C'est intéressant parce que dans ce qu'on dit, en fait, depuis un moment, vous parliez de culpabilité. Et en fait, moi, je vois de plus en plus les gens, par cette recherche de coupable, transformer l'algorithme en coupable. L'algorithme n'est pas coupable. Il peut pas être coupable, c'est pas une personne physique ou morale, donc il ne peut pas être coupable, déjà. Et c'est important de le dire parce que les gens recherchent un coupable, ils vont chercher dans l'algorithme un coupable et donc ne peuvent pas résoudre le problème. Parce que si vous trouvez une fois que vous avez dit que l'algorithme est coupable de racisme, de sexisme, de mauvais jugement, qu'est-ce qu'on fait après? Mais surtout, on s'imagine que sans ces algorithmes, alors il n'y aurait plus de racisme ou de méchanceté. C'est ça ce que ça implique. Alors, c'est-à-dire ? Alors qu'en fait, ce que vous dites, c'est quand on pense que les algorithmes sont coupables, ça veut dire qu'on omet le fait que derrière les algorithmes, il y a quelqu'un qui lui-même émet ces idées que l'on déplore. Ce ne sont pas les algorithmes, c'est l'intention qu'elle a. Justement, c'est intéressant parce que je ne suis pas sûre qu'on fasse vraiment la connexion. C'est voilà, ce que vous venez de faire. Oui. Et je pense qu'elle est à faire. Et surtout, ça repose la question que je posais tout à l'heure à Serge Habitboul, qui est savoir, mais en fait, qui est-il derrière? Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière? En fait, est-ce qu'il y a bien des phénomènes qui nous échappent? En gros, est-ce que les algorithmes sont aux mains du complotisme ou au contraire des anti-complotistes? Alors, la question, c'est que les algorithmes n'ont pas d'intention en eux-mêmes. C'est ce qu'il faut vraiment, c'est la point de départ. Les algorithmes n'ont pas d'intention. Les algorithmes ne sont là parce que quelqu'un a écrit cet algorithme. Ils sont là parce que quelqu'un a décidé de les déployer, d'en servir pour quelque chose. Mais en soi, l'algorithme n'a pas d'intention. L'intention vient de tout ce qui est autour. Et donc, s'il y a des problèmes, c'est eux qui sont responsables, les gens qui les ont programmés, etc. Alors, où ça peut quand même poser un problème, c'est que quand on se met à déployer des millions d'algorithmes un peu partout, des milliards bientôt, et qu'on va vivre dans ce monde algorithmique, on peut se poser une question qui là devient légitime, qui est-ce que collectivement, ces algorithmes vont dégager une intention ? Que chaque pièce ou n'a pas. Ou en tout cas échapper à l'intention initiale. Ou échapper à l'intention initiale. Produire une nouvelle intention. Et donc c'est évidemment quelque chose qu'il faut surveiller parce que ce monstre, alors je dis monstre un peu en plaisantant parce que pour moi je pense pas que ce soit du tout monstrueux, c'est quelque chose qui a pour nous aider à vivre. Mais cette multitude de machines ensemble peuvent dégager des aspects qu'on n'avait pas prévus et donc c'est pour ça qu'il faut contrôler ce qu'elles font. Contrôler ce que font les algorithmes, d'un point de vue sociétal, les réguler quand c'est nécessaire. Enfin, je veux dire, on est dans une société qui a des lois, d'accord? S'il y a quelque chose qui nous plaît pas, on peut dire, maintenant, on n'a pas le droit de faire ça. Le trading automatique qui a causé des problèmes, maintenant, c'est régulé. Donc, on peut mettre des règlements, on peut mettre des lois pour empêcher les travers, surveiller, mais à la limite, ça arrive même déjà sur un seul algorithme. Là, je présentais toutes ces millions de machines ensemble qui, on sait plus très bien qu'est-ce qu'est contrôle. Avec les machines apprenantes, maintenant, on a un peu ça aussi. C'est quoi les machines apprenantes ? C'est une machine qui va se transformer elle-même d'une certaine façon, surtout si elle est en ligne, c'est-à-dire qu'elle va regarder, elle va vivre dans un environnement, dans un contexte, et elle va se transformer au contact de ce qu'elle vit. Un exemple qui est assez rigolo, c'est Tai, c'est un chatbot, un bot qui parle. C'est quoi un bot ? C'est un logiciel. Qui est un robot, c'est un algorithme. C'est un algorithme. Et nous y voilà. Et nous y voilà. Donc, Tai a été balancé aux États-Unis, et puis petit à petit, les gens, donc il parlait avec les gens, et puis il s'est mis à les gens ont trouvé très rigolo de lui apprendre des phrases racistes, des phrases antisémites, du sexisme. C'est devenu une pourriture de bas étage. Bon. C'est possible, ça arrive, c'était pas prévisible par les gens qui ont écrit ce robot, n'ont pas pensé que ça pouvait arriver. D'ailleurs, il l'avait déployé au Japon, il n'y a eu aucun problème. Bon, il l'a déployé aux États-Unis, il y a eu un problème. La seule chose, c'est il faut surveiller ce qu'il fait, et quand il se met à... Comme un enfant. Oui, un petit peu comme un enfant. Aurélie Jean, sur cette dimension du collectif qui peut échapper du coup à l'individu. C'est intéressant parce que moi je crois beaucoup ce que j'appelle des agents algorithmiques, c'est-à-dire des algorithmes qui surveillent les algorithmes. C'est très intéressant. À la police. C'est une mise en abîme technologique. Hein, vous voyez, en fait, ce que je veux dire, c'est que un algorithme, c'est pas tant. Alors, les algorithmes explicites, ceux qui sont définis explicitement par les humains, on connaît les critères, on sait comment ils réagissent. Ça veut pas dire qu'il y a pas de biais, ça veut pas dire, mais on a quand même une meilleure transparence de comment fonctionne l'algorithme. Lorsqu'on peut pas mathématiser un phénomène, ce que disait Serge, on va utiliser ce qu'on appelle des algorithmes d'apprentissage. Donc, ils vont apprendre sur de la donnée pour créer des critères implicites, des invariants. Et donc, dans ce cas-là, comment on fait pour les surveiller, entre guillemets, surveiller, parce que quand on dit ça, il y a un caractère anthropomorphique qui me gêne, mais justement, on peut créer des algorithmes qui sont définis entièrement explicitement, qui prennent aucune décision à part alerter l'humain d'un dysfonctionnement potentiel de l'algorithme qui apprend. Et il y a plein de techniques pour faire ça. Il y a ce qu'on appelle l'outil est biaisé, auquel cas le biais peut provenir de la data qui lui a été fournie, et auquel cas on peut faire par exemple des tests d'échantillonnage sur cette data. On prend des data de plus en plus petites, grandes, pour voir si c'est un effet de taille. On peut aussi changer la nature en faisant des données synthétiques. Enfin, on peut faire plein de petits tests pour avoir une idée, en tout cas, de la possible erreur dans un algorithme. Voilà. Serge Habitboul, vous disiez que pour vous, les algorithmes vous aident à vivre. Enfin, vous pensez que vous êtes loin d'un discours pessimiste. Au contraire, ils peuvent nous aider à mieux vivre. Finalement, est-ce que vous reproduisez pas quelque chose d'assez dramatique dans le bon sens du terme ? La solution est sans doute entre les deux, plutôt que dans bien ou mal. Vous opposez un bien et mal quand vous dites ça. En fait, j'ai un côté de mon esprit qui regarde tout ce que ça peut faire de bien, l'autre côté qui regarde tout ce que ça peut faire de mal, et j'essaie de me situer sur la crête en disant bah, c'est à nous de choisir ce qu'on va en faire. Et c'est un peu ça, mais je suis plutôt optimiste parce que je vois tout ce qu'on peut faire avec je vois qu'on peut arriver. Alors c'est plus facile d'être dans le noir, mais je crois que je crois fondamentalement qu'on a un outil fantastique et que si vous me demandez qu'est-ce qui m'inquiète aujourd'hui, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est plutôt des problèmes écologiques, des problèmes de démographie que des risques. Fantastique que pourrait amener l'intelligence artificielle. On peut aussi, comme le chante The Jam, rester en dehors et loin des nombres, away from the numbers. Things are getting just to cause for me. And I see people assessing me. Gonna break away and gain control. You free your mind, you free your soul. I was a taboo, not tattlemaning. This disease, we together at 10 bars, sit and drink beer. Then saw that I was really the same. So this thing's breaking away from the chain. Away from the numbers. Away from the numbers. Is where I'm gonna be. Away from the Merci beaucoup Serge Abitboul et Aurélie Jean d'être venus nous parler des algorithmes ce matin. Serge Abitboul, je revois à vos ouvrages, j'en citerai deux. Le bot qui murmurait à l'oreille de la vieille dame et autres nouvelles numériques est disponible aux éditions du Pommier, ainsi que Le temps des algorithmes que vous avez coécrit avec Gilles Dewec, également aux éditions du Pommier. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Il est temps de retrouver le journal de la philo, présenté par Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vous nous parlez d'un événement. Alors c'est un petit événement pour le monde de l'édition, et si l'on s'en tient à l'objet même de cet événement, c'est-à-dire un petit livre de quelques 70 pages, mais c'est un grand événement pour la pensée et pour quiconque aime Hannah Arendt, la parution aux éditions Payot d'un texte totalement inédit de la philosophe plus de 40 ans après sa disparition. Intitulé « La liberté d'être libre », retrouvé dans le fonds Arendt de la Bibliothèque du Congrès à Washington, ce texte, écrit probablement en 1966-67, s'inscrit dans un contexte de généralisation de la révolution, crise de Cuba, décolonisation, mouvement civique et guerre du Vietnam. Pour la première fois s'est déroulée aux États-Unis une marche de protestation massive contre la guerre au Vietnam, à laquelle s'étaient jointes les organisations antiségrégationnistes noires. À Chicago, à Washington et surtout à New York, les pacifistes sont descendus dans la rue en arborant le drapeau du Viet Cong. Plusieurs jeunes Américains ont brûlé leur livret militaire devant quelques 150 000 manifestants qui ont entendu ensuite plusieurs orateurs, dont le pasteur Martin Luther King, prix Nobel de la paix, réclamer devant le siège des Nations Unies l'arrêt des bombardements sur le Nord Vietnam et l'ouverture immédiate de négociations. Qu'est-ce que la révolution ? Cette question, Hannah Arendt se l'est appropriée dès le début des années 60, notamment avec De la Révolution, où elle se demandait quel en était le sens. Même chose ici, mais en accentuant toutefois la révolution sur l'enjeu de la liberté. Toute révolution mène-t-elle à la liberté? Ou faut-il déjà être libre, au moins un peu, pour pouvoir envisager de renverser un État? La révolution nous libère-t-elle ou donne-t-elle accès à la liberté? Et quelle liberté? Liberté des mœurs, liberté de propriété, liberté politique ou liberté individuelle? Derrière cette déclinaison de questions cruciales se joue la question essentielle qui se rejoue à chaque soulèvement, révolte, manifestation, et qui n'est pas sans rappeler les mouvements actuels des Gilets jaunes. Toute révolution est-elle synonyme de liberté? Si toute révolution est menée au nom de la liberté, des conditions, politique, émancipation, est-elle foncièrement un processus de liberté dans ses moyens, dans son dispositif, dans sa réalité finale et bien sûr dans ses intentions? Dans ce texte, Arendt dédramatise et démêle, sans dévaloriser, la révolution. Et première chose étonnante, non seulement elle nous dit que la révolution est rarement le fait ou la décision des révolutionnaires, cela, dit-elle, je cite, « ne s'empare pas du pouvoir mais plutôt le ramasse quand il traîne dans la rue », mais en plus, elle ajoute que la révolution peut restaurer bien souvent un ancien régime et mener à une absolutisation du pouvoir plutôt qu'à son contraire, en témoigne la Révolution française. Peuple de France, République chérie, près de cet arbre de la liberté, je vous dis que jamais le monde n'a offert à son créateur un spectacle plus digne de lui que celui de Paris aujourd'hui, en ce jour d'hommage à sa grandeur. Ici, devant son regard, je dénonce tous ceux qui voudraient... Qu'est-ce qui se passe ? Oh, il parle encore. Que vos destinées réveille-moi quand il aura fini. Par une force aveugle. Et que vos âmes ne sont qu'un souffle de vent qui passe dans le néant après la mort. Il se prend pour le cap. Je ne parle pas d'un dieu que les prêtres des figures. À la manière d'un Alexis de Tocqueville, qu'elle cite d'ailleurs, Arendt, dans ce texte, compare la Révolution française à la Révolution américaine. Pourquoi la première, qui a totalement échoué en conduisant à un régime absolutiste, est-elle pourtant la révolution par excellence? Et pourquoi la seconde, celle des Américains, qui a fondé avec succès un État pacifique, stable et solide, est-elle restée locale, méconnue? Eh bien parce que, nous répond Arendt, elle a rendu visible la Révolution française. Parce qu'avant de conduire à un régime démocratique, à une liberté politique exercée par tous et pour tous, elle a d'abord libéré tout un ensemble d'individus jusqu'ici invisibles, invisibilisés dirait-on aujourd'hui. Le propos d'Arendt est subtil, on y comprend que 1. La révolution ne se décide pas mais vient d'une désintégration du pouvoir, que 2. Elle présuppose des conditions de vie et une idée préexistante de la liberté pour pouvoir la réclamer, et 3. Qu'elle peut conduire moins à un régime politique plein de liberté qu'à une libération, une liberté négative, insuffisante. Généralisée et même banalisée à notre époque, la révolution n'est-elle alors qu'un mot, qu'une mode, qu'une passion française pour les plus riches? Non plus, car s'y manifeste, et là est la subtilité d'Arendt, dans l'acte même de la révolution, une naissance, le fait de rendre visible, de donner naissance à des individus jusqu'ici jamais réunis en un tout. Merci Géraldine, le titre du livre dont vous nous parlez aujourd'hui? La liberté d'être libre, et donc c'est un inédit aux éditions Payot d'Anna Arendt. Et j'en profite pour annoncer le programme de la semaine prochaine, alors que nous sommes que mardi, et bien la semaine prochaine nous parlerons d'Anna Arendt et des origines du totalitarisme. En attendant, votre chronique, Géraldine, est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Merci à l'équipe de Chemin de la philosophie qui m'a aidé à préparer cette émission. Anaïs Isbert, Géraldine Mosna-Savoie, Colomba Grossi, Isis Jourda, Elsa Le Saulnier, Nicolas Delmas qui était à la prise de son aujourd'hui, Nicolas Berger à la réalisation, Hélène Losseur à la lecture des textes. On se retrouve demain pour la suite de notre série sur les algorithmes. Demain, on se demandera si Internet a réinventé les règles du jeu politique. C'est en tout cas la thèse passionnante de Giuliano da Empoli qui sera demain au micro des chemins à 10h pour vous en parler. D'ici là, pour réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture, page des Chemins de la philosophie. Vous pouvez réécouter chaque émission en ligne ou bien la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. L'équipe des Chemins de la philosophie sera ravie de répondre à vos remarques et à vos commentaires. France Culture vous donne rendez-vous ce week-end au musée. France Culture et les centres Pompidou présentent Imagine, quelle histoire. Ce sont des débats, des masterclass, des ateliers, une programmation sur mesure avec le centre Pompidou et vous y êtes tous conviés. Tout le programme est à retrouver en ligne sur le site franceculture.fr. On se retrouve demain à 10h donc, mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.